aller attendre ma petite survie. J'ai un peu honte, carrément honte. C'est pas normal, c'est pas normal. Tous dans le rang en ligne, il pleut, c'est pas le jour. Le gars sourit un peu. Moi j'ai pas envie, j'ai un peu honte, carrément honte. C'est pas normal, c'est pas normal. Je n'ai pas su trouver le bon chemin tranquille en paix. Cette semaine, et des nouilles, encore des nouilles. Hey, salut, je t'avais pas vu. J'ai un peu honte, carrément honte. C'est pas normal, c'est pas normal. Aller chercher mon petit